La légende de Croquemitaine, écrit par Ernest Lépine, lu par Armen pour audiocité.net. Deuxième partie, le paradis de Mahomet. Premier chapitre, comment Croquemitaine fut baptisé. En tournant cette page, mes chers enfants, vous avez, sans vous en douter, vieilli de 9 ans. Vous voyez que le temps passe vite à me lire. Suis-je trop exigeant en vous demandant de faire avec moi un voyage de 5 minutes de l'an 769 à 778? Charlemagne, après avoir, comme nous l'avons dit plus haut, accompli ses devoirs religieux à Durène et à Saint-Lambert de Liège, se rendit à Worms pour y commencer l'année 770. C'est là que Miton et Mita furent unis, là aussi que cette dernière mit au monde une adorable petite fille qui prit nom Mitaine, un bel ange frais, ferme et velouté, avec de grands yeux noirs et coiffé de cheveux blonds comme d'une auréole. Charlemagne le vit un jour dans les bras de sa mère, il crut à une vision. « Ah ! Se dit le bon empereur, n'est-ce pas là Madame la Vierge que je vois portant son petit Jésus ?» Et quand il fut plus près et qu'il reconnut la comtesse de Rennes, « Vous êtes trop heureuse vraiment, Dame Mita. Savez-vous bien que notre Seigneur vous a traitée en favorite ? Il est impossible que ce joli petit ange ne porte pas bonheur à qui l'approche. Et s'il n'a pas encore été racheté du péché, je demande à me porter pour lui caution devant Dieu. Voulez-vous que je sois son parrain ?» Charlemagne prit la petite main de l'enfant pour l'embrasser. Le bras disparut tout entier sous la moustache et dans la barbe. Puis, radieux de cette rencontre, qui lui semblait un heureux présage, l'empereur se rendit à une assemblée du peuple qu'il avait convoquée. Il se sentait si dispos et si léger de peine qu'il céda aux instances de sa mère Berthe au grand pied qui, depuis longtemps, cherchait en vain à le réconcilier avec son frère Carloman. Cette même année, Himiltrude donna le jour à un fils, charmant de figure, mais contrefait. Charles l'appela Pépin, le peuple l'appela le Bossu, et quand le peuple s'avise de servir de parrain, les noms qu'il donne sont éternels. Cet héritier n'était pas fait pour flatter l'amour-propre d'un empereur. Aussi son père l'accueillit fort mal et résolut de répudier Himiltrude. Aude et Roland, moins heureux que Miton et Mita, n'en étaient encore qu'aux fiançailles. « Sire, ne serait-il pas temps d'en finir avec ce mariage ?» dit un jour le comte du Mans à Charlemagne. « Depuis 8 mois, j'attends votre bon plaisir et espère que vous voudrez bien enfin fixer le jour de mes noces. » L'empereur venait de se disputer avec sa femme au sujet de son fils. Aussi avait-il le mariage en horreur et reçut-il fort mal son neveu. « Par ma barbe, je vous trouve trop impatient, sachez-le. À peine avez-vous le menton fertile et déjà vous voulez prendre maître. » Ceci n'est point de mon goût. Vous avez votre nom à faire avant de le donner à d'autres. Et d'ailleurs, on se bat mal quand on a femme et famille. Ne me rompez donc plus la tête de ceci. Vous êtes l'un et l'autre assez jeunes pour attendre. Attendez. » La reine Berthe, qui n'avait pas plus de goût pour sa bru que Charlemagne n'en avait pour sa femme, partit pour la Lombardie afin de négocier une alliance nouvelle et en revint bientôt avec Désidérade, fille de Didier, roi des Lombards. Himiltrude fut répudiée malgré les menaces du pape Étienne III. Charlemagne célébra cette année la solennité de Noël en Bourgogne et celle de la résurrection à Valenciennes en Hainaut. la réconciliation des deux frères n'avait été qu'apparente. Aussi, lorsque vers la seconde nonne de décembre 771, Charles apprit que Carloman venait de mourir à Samoussi, château royal de l'ancien diocèse de Laon, il ne perdit pas son temps à larmoyer. Il assembla une cour plénière à Valenciennes, annonça à ses leudes la mort de son frère et les entraîna en Eustrie. C'est dans la métairie royale de Carbonae, au milieu de la forêt des Ardennes, que Charlemagne vint camper. L'aspect redoutable des hordes qu'il commandait décida les comtes et les évêques à lui faire leur soumission. Gerberge, fille du roi Didier, veuve de Carloman, chercha en vain à défendre les droits de ses enfants. Obligée de prendre la fuite avec eux et quelques rares serviteurs, elle se réfugia à la cour de son père, et Charlemagne fut proclamé seul maître de tout le royaume des Francs. Le choix de la reine Berthe n'avait pas été heureux. Désidérade, sœur de la reine dépossédée, faisait assez triste figure à la cour de France. Aussi l'empereur résolut de la répudier. Roland, qui souffrait toujours de voir son mariage indéfiniment retardé, s'adressa de nouveau à son souverain. « Vous ne me voulez certainement pas de mal, sire, et cependant vous m'en faites plus que je ne puis dire, en ajournant toujours mon mariage avec Aude. » Charlemagne, qui venait d'avoir une discussion des plus violentes avec la reine, était peu porté vers le mariage. Aussi répondit-il avec humeur. « Savez-vous bien, bon neveu, que vous n'êtes pas avare de me rompre la tête ? Le mariage est une sotte chose, c'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, j'ai dans l'esprit de brûler un peu le pays des Saxons. Il m'est revenu que dans une ville qu'ils appellent Eresbourg, je ne sais pourquoi, on adore une idole nommée Irminsul. Je me suis donné pour mission d'ardre cette insolente divinité. Je compte que vous m'y aiderez. À mon retour, nous reparlerons de votre mariage. » Roland s'en alla tout penaud retrouver la belle Aude. En cette année 771, Charlemagne célébra la solennité de Pâques à Herstal et les fêtes de Noël à Attigny. Dès le début de l'année 772, Charles convoqua ses leudes à Worms, se mit à leur tête et envahit la terre des Saxons. Ce pays, divisé en une infinité de petits états sauvages, était habité par les Westphaliens, les Austerlinzi, les Sclavons, les Angaris, etc., etc. Tous ces peuples furent refoulés jusqu'à la Baltique, leurs idoles détruites, leurs terres saccagées. Contraints à demander la paix, ils vinrent faire leur soumission sur les rives du Weser. Charlemagne, qui était aussi redoutable pour ses épouses que pour ses ennemis, avait chassé Désidérade, sa seconde femme. Il résolut d'en prendre une troisième. Il était dans ses dispositions quand Roland vint le trouver. « Sire, ainsi que vous m'y avez encouragé, je viens vous rappeler que j'aime Aude, la nièce de Gérard de Vienne, votre compère, et que vous me l'avez promise en mariage pour prix de la défaite d'Angoulafre. Vous avez désiré que je vous suivisse en Saxe, je l'ai fait, et certes, nul ne me reprochera de m'y être épargné. Vous m'avez souvent fait des sorties contre le mariage, mais il m'est avis que vous avez changé d'idée, puisque vous allez, pour la troisième fois, faire ce que vous trouviez mauvais pour les autres. Je suis fils de votre sœur, je vous ai servi de mon mieux, et chacun s'accorde à dire que le mieux de Roland n'est pas bagatelle. Ne vous plairait-il pas de fixer le jour de mes noces ? Charlemagne était de fort bonne humeur ce jour-là. Il rit aux éclats en entendant son neveu et lui dit « Par ma barbe et mon sceptre, je crois que ce jouvenceau me fait la leçon. Mon compère Gan avait ma foi raison quand il me disait que si je n'y prenais garde, ce drôle me conduirait par le bout du nez. Ah ça, Myrmidon, ne t'ai-je pas fait compte du Mans et père de mon empire? Ne t'ai-je pas octroyé les marches de Bretagne? Et faut-il point te remercier des coups que tu as donnés pour défendre ta peau? Je n'aime pas, beau neveu, qu'on cherche à me forcer la main. D'ailleurs, j'ai comme une idée qu'après mon mariage, je ferai une pointe vers la Lombardie. Vous m'y accompagnerez. À notre retour, nous verrons. Charlemagne épousa peu après Hildegarde, qui était belle outre mesure et qui appartenait à une illustre maison de Souabe. Cette année 772, Charlemagne célébra la Pâque et la Noël à Herstal, sur la Meuse. À cette époque, Didier, roi des Lombards, envahit le patrimoine de Saint-Pierre et vint à la tête de 10 000 bonnes lances mettre le siège devant Rome. Le pape Adrien ne s'effrayait pas pour si peu. Il fit fermer les portes de la ville éternelle, visita les murailles avec soin, les garnit de troupes et résolut de mourir sous les ruines de sa capitale plutôt que de l'abandonner. Puis il envoya à Charlemagne une députation d'évêques et de nobles hommes avec mission de rappeler au fils de Pépin qu'il était patricien romain et que son devoir était de défendre l'Église dans la personne de son chef suprême. L'empereur n'aimait pas son ex-beau-père, chez lequel tous ses ennemis trouvaient asile. Depuis longtemps, il rêvait une expédition de ce côté, et saisissant avec joie cette merveilleuse occasion, il assembla sa cour plénière à Paderborn. L'expédition fut résolue avec enthousiasme, et rendez-vous pris à Genève. L'armée se divisa en deux parties. Bernard, oncle de Charlemagne, prit le commandement d'une de ses colonnes, reçut l'ordre de franchir le mont Joux, Saint-Bernard, et de faire campagne dans les plaines du Milanais, tandis que l'empereur conduirait ses troupes par le mont Cenis. En vain, Adalgise, fils de Didier, cherche à défendre le passage des Alpes. Il est repoussé de toutes parts et cerné dans Pavie, où son père est venu le rejoindre en octobre 773. Pavie était alors une forteresse qui eût mérité d'être qualifiée d'imprenable, si, comme tout ce qui est imprenable, on ne l'avait pas prise plusieurs fois. Elle mit du reste une certaine coquetterie à ne se laisser emporter que de guerre lasse. Et il ne fallait rien moins que tout un hiver pour escalader ses murailles de 70 pieds de haut, pour enfoncer ses 17 portes et pour s'emparer de ses 62 tours. Charlemagne se rendit à Rome pour y passer la semaine sainte. Il y entra en triomphateur le 2 avril 774. Un brillant cortège d'évêques et de patriciens alla à sa rencontre jusqu'à Novi et l'accompagna jusqu'à Saint-Jean-de-Latran où l'attendait Adrien. La foule l'acclamait comme un sauveur. Ce n'était autour de lui que bannières, crosses et croix. On s'était disputé l'honneur de porter ses armes victorieuses, tandis que des enfants en costume antique jetaient des fleurs sous les pas de son cheval. Le pape et l'empereur s'embrassèrent. Ce dernier, après avoir communié, visita, suivi de ses leudes, les précieux reliquaires de la capitale du monde chrétien. Un concile s'assembla. 153 évêques et abbés y assistèrent et se joignirent à Adrien pour conférer à Charlemagne les plus grands pouvoirs et privilèges. Pendant ceci, la famine faisait d'effroyables ravages dans Pavie. Chaque jour, une phalange d'affamés tombait, et pourtant la ville ne se rendait pas. Charlemagne n'aimait point que la besogne traînât en longueur. Il quitta Rome et reprit le commandement de ses troupes. Peu de jours après, Didier était réduit à se soumettre. Son courage et sa résignation ne touchèrent pas l'empereur, et le vaincu, la tête couverte de cendres, dut s'agenouiller devant son nouveau maître. Le dernier roi des Lombards reçut la tonsure et finit ses jours sous le nom de frère Desidera dans le monastère de Corbie. Sa femme, Ansa, les deux fils de Carloman et Gerberge, leur mère, Desiderade, l'épouse répudiée du roi des Francs, tombèrent également au pouvoir de Charles qui les cloîtra. Ainsi fut soumise la Lombardie à la couronne de France. Aude et Mita s'étaient retirées à Paris, où elles vivaient tristement en attendant le retour de Roland et de Miton. C'est là que la comtesse de Rennes mit au monde un garçon beau à merveille, qui reçut le nom de Mitis. Jamais peut-être un enfant ne fut choyé de la sorte. Rien n'était assez bon pour lui. Que de projets firent les deux recluses, et avec quelle impatience on se mit à compter les heures qui défilaient si lentement. Mais voilà qu'un jour les suivantes rentrèrent en larmes, rapportant le cadavre du chérubin. Elles racontèrent qu'un cavalier, la visière baissée, s'était jeté sur elles et leur avait arraché des mains leurs nourrissons, que, sans se soucier de leurs cris et de leurs prières, il s'était dirigé au galop vers un ruisseau, que là il avait mis pied à terre et que, couchant l'enfant au fond de l'eau, il l'y avait maintenu sous son talon pendant quelques minutes. Elles étaient arrivées auprès de lui malgré les menaces qu'il leur adressait, mais trop tard. Du pied, le monstre avait repoussé le corps inanimé sur la berge, et remontant à cheval, il avait pris la fuite. Les deux sœurs furent longtemps comme folles. Leur douleur était si également grande qu'on se demandait laquelle était la mère de cet enfant assassiné. Le jour du crime, Ganelon avait traversé Paris, se rendant en Bretagne. Les Saxons, profitant de l'absence de Charlemagne, envahirent les terres situées entre le Weser et le Rhin. L'empereur, à peine de retour, envoya contre eux quatre armées formidables. Puis, après avoir tenu une assemblée à Durène, il prit le commandement d'une cinquième colonne et franchit le Rhin. En 775. Il s'empara d'Eresbourg, y laissa garnison et défita à Brunsberg des masses saxonnes qui voulaient l'empêcher de franchir le Weser. Il s'avança jusqu'à l'Oder, laissant sur son passage les Westphaliens taillés en pièces. Puis il revint après avoir relevé Eresbourg, qui devait lui servir à contenir les Saxons. Hildegarde donna cette année à Charlemagne une première fille, qui prit nom Rotrude. L'empereur en fut si ravi que Roland n'hésita pas à lui renouveler sa demande. « Sire, vous avez désiré que je fisse les campagnes de Lombardie et de Saxe, et je les ai faites de mon mieux. Ne serait-il pas temps ? Je vous vois venir, beau neveu. Ne gaspillez pas ainsi votre éloquence. » Je commence à savoir par cœur votre raison. Eh bien, par Saint-Nazaire, je veux vous octroyer ce que vous me demandez avec tant d'insistance. Dans un mois, vous serez mariés. 15 jours après, il fallut remonter à cheval et partir pour l'Italie. Rodgose, duc de Frioul et Adalgise, fils de Didier, avait résolu d'attaquer Rome et l'Italie par terre et par mer, en 776. Charlemagne franchit de nouveau les Alpes, s'empara de Rodgose, lui fit trancher la tête et chargea un de ses francs, le comte Marker, de l'administration du Frioul. Puis il se mit en route pour Worms. Un soir, l'empereur chevauchait à la tête de son armée. Roland était auprès de lui. Il longeait un magnifique champ de blé. Les moissonneurs, effrayés à la vue de tant de guerriers, avaient jeté leurs faucilles et s'étaient enfuis. Mais la curiosité leur ayant rendu un peu de courage, ils regardèrent de loin le défilé. « Ne vous arrive-t-il jamais, sire, dit le comte du Mans, d'envier le sort de ces paysans ? » Charles regarda son neveu avec surprise et le crut fou. Une fois leur journée faite, ils rentrent chez eux et trouvent sur le seuil une épouse qui leur tend les bras et toute une trolée d'enfants qui fait l'assaut de leurs épaules pour leur prendre un baiser. Tandis que nous, « Je vous comprends, mon neveu. Ceci est une forme nouvelle que vous essayez et qui, si je vous laissais prendre votre élan, aboutirait infailliblement à cette phrase « À quand la noce ?»« Je ne suis pas plus méchant qu'un autre et, par la Pâque, à mon retour. » L'empereur s'interrompit. Il venait de distinguer un tourbillon de poussière au bout de la route. Peu à peu, le tourbillon devint nuage. Le nuage devint cavalier. Le cavalier était Hugo de Cotentin. Le comte palatin venait à franc étrier annoncer à Charlemagne que les Saxons s'étaient révoltés de nouveau et ravageaient les bords du Rhin. Roland soupira. « Aude, chère Aude, dit-il, ne serons-nous donc unis que dans le paradis? Si je le croyais, je prendrais les devants et me ferais tuer à la première rencontre. » Je n'en finirais pas, mes chers enfants, si je vous contais toutes les expéditions de Charlemagne en Saxe. À chaque instant, il franchit le Rhin, balaye des peuplades entières, reçoit leur soumission et emporte des otages. À peine a-t-il le dos tourné que le bruit d'une révolte lui bourdonne dans les oreilles. Vous apprendrez tout cela dans des livres plus sérieux. Sachez seulement qu'en 777, l'empereur convoqua à Paderborn les Saxons et leurs chefs, qu'un grand nombre s'y rendit et y reçut le baptême. Je puis maintenant reprendre mon histoire. Charlemagne est à Paderborn entouré de toute sa cour. Hildegarde lui a donné un fils qui reçoit le nom de Carloman. Aude est plus belle que jamais. Miton a 32 ans, Mita 27 et Mitaine 8. Ogris a vieilli, son poil commence à s'argenter. Il lui faut maintenant 10 grandes minutes pour dépecer un taureau, mais les griffes sont toujours bonnes. Il a pris Mitaine en grande amitié, et plusieurs fois on a voulu les séparer, mais le lion est devenu si maigre, l'enfant est devenu si triste qu'on a dû y renoncer. La filleule de Charlemagne a été en butte à plusieurs attaques. On lui réservait le sort de son frère, sans doute, mais Ogris s'est trouvé là et les assassins ont pris la fuite. Une fois, cependant, l'un d'eux n'a pu lui échapper et a payé pour les autres. « Enfin, se dit Miton, je vais donc savoir le mot de tout ceci. » Mais le lion n'avait pris aucune précaution et les morceaux de sa victime étaient si petits qu'il fut impossible de rien découvrir. Charlemagne entra dans une grande fureur en apprenant les tentatives dont sa filleule avait plusieurs fois déjà failli être victime. « Par joyeuse, celui qui touche à ma filleule est bien osé. Dis-moi, Mitaine, n'as-tu aucun indice à me donner qui puisse nous mettre sur la trace de ce croqueur d'enfant ?»« Aucun, seigneur parrain. Le monstre paraît et disparaît comme par enchantement. » « Eh bien, fût-il fée, ogre ou vampire, je jure Dieu de te délivrer de lui. Mais jusqu'à ce que nous le puissions faire écarteler, comment l'appellerons-nous, petite, cet ogre qui voudrait te croquer ?»« Nous l'appellerons Croque-Mitaine. » « Soit. Eh bien, Croque-Mitaine sera pendu, c'est moi qui te le dis. » En l'année 777, Charlemagne célébra les fêtes de Pâques à Nimègue.